Les carnets d'un reporter par Gustave Lerouge. Préliminaire de départ. Un dimanche de juin 1917, je descendais du métro, place de la Bourse, vers 2 heures de l'après-midi, lorsque je me sentis frappé amicalement sur l'épaule. Eh, que devenez-vous, mon cher? On ne vous voit plus depuis la guerre. Celui qui venait de m'aborder ainsi était le directeur d'un grand journal parisien, avec lequel j'avais toujours eu d'excellentes relations professionnelles. Confrère charmant, aimant à rendre service aux journalistes à quelques degrés de la hiérarchie qu'ils appartinssent, du rédacteur haut placé au plus modeste reporter. Je l'avais en effet perdu de vue depuis le commencement des hostilités. « Ce que je deviens depuis 3 ans, lui répondis-je, pas grand-chose. Le roman marche mal, les éditions de luxe ne vont plus, j'ai quelques articles par-ci par-là, bref, je végète. « Mais je ne me plains pas, » ajoutai-je immédiatement, car je venais de voir un sourire poindre sur les lèvres de mon interlocuteur. « Vous ne vous plaignez pas, en bon français que vous êtes, qui ne trouve pas extraordinaire de se priver en attendant la victoire. Mais parce que vous avez passé l'âge de porter un flingot, vous pourriez peut-être vous rendre utile par la plume ou par la parole. Je suis meilleur écrivain qu'orateur, mais si vous avez des conférences à me proposer, pas pour le moment. Avant tout, dites-moi, « êtes-vous complètement libre de votre temps ?»« Entièrement. »« Vous pouvez voyager ?»« Oui. »« Alors nous allons peut-être pouvoir nous entendre. Mon correspondant de guerre est malade. En ce moment, cela tombe mal, parce que j'avais justement 2 ou 3 missions intéressantes à lui confier, et je ne peux le faire suppléer par n'importe qui. Voulez-vous vous charger de l'intérim ?»« Avec plaisir. »« Il ne faut pas être exigeant à l'heure actuelle. Et puis le provisoire peut devenir définitif. »« Vous l'avez dit. » « Quand voulez-vous que je me mette à votre disposition ?»« Dès demain. » »« Passez à mon bureau, au journal, vers 10 heures du matin. Je vous remettrai une lettre pour le chef du cabinet du ministre de la guerre. Il vous facilitera les démarches, je le pense. En tout cas, je le préviens que je vous désigne comme correspondant de guerre pour suivre les opérations de l'armée britannique. Lorsque vous aurez vos papiers en règle, vous partirez pour Boulogne et de là au gré des événements. » Le lendemain, j'étais exact au rendez-vous. Grâce aux relations du directeur du journal, les formalités pour l'obtention des passeports et sauf-conduits ne demandèrent que 48 heures, et le mercredi soir, à 20h40, je prenais le train pour Boulogne. Les wagons sont au grand complet. Dans le compartiment où je me trouve, un vieux paysan, dont les oreilles, par le plus respectable des archaïsmes, sont ornées de petits anneaux d'or, discute avec ses voisins sur la valeur de la race allemande. Il parle naturellement du Kaiser et de son fils. « Une race fichue » s'écrie-t-il. « C'est tous des alcooliques et des dégénérés. » L'entretien continue, bondé de termes savants. J'en suis émerveillé. À la grammaire près, on se croirait dans une salle de rédaction. Me voici à Boulogne. Un de ses pisteurs, comme il en pullule dans toutes les villes de bains de mer, a jeté son dévolu sur moi et entreprend de me guider vers un hôtel. Chemin faisant, il me raconte que M. Guindet, sous-préfet de Boulogne, a été tué au début de la guerre, en pleine bataille. Il était sous-lieutenant de réserve. « Dans le Pas-de-Calais, tout le monde fait son devoir, » continue-t-il, « du haut jusqu'en bas. » Ainsi, notre député, M. Abrami, qui est parti simple sergent, est maintenant capitaine. Et M. René Mouquier vient d'être cité à l'ordre du jour. Je présume que tout Boulogne va y passer. Heureusement, une voiture régimentaire anglaise vient de faire halte, précédée de Highlanders qui écartent la foule. Je puis donc me débarrasser de mon guide importun. Je me mêle aux curieux qui se mastent en face d'un grand vapeur battant pavillon anglais, dont les cheminées lancent des torrents de fumée noire. De la voiture régimentaire, on descend un cercueil de chêne à poignée d'argent en riches écussons. J'apprends que c'est celui d'un général écossais tué, les uns disent à Lille, les autres à Ypres. Les Highlanders ont placé en signe de deuil leurs fusils à crosse en l'air, le canon touchant le sol. Le cercueil que recouvrent des bruyères et du houx, souvenir de la patrie écossaise, est descendu lentement par 6 soldats qui accompagnent le corps dans l'intérieur du paquebot où une chapelle ardente a été préparée. Tout cela se fait sans pompe, dans le va-et-vient des dockers affairés, dans le fracas des grues à vapeur, qui à 2 pas de là débarquent des chevaux et des tonnes de marchandises. J'emporte de ces modestes funérailles, au milieu de la double activité du négoce et de la guerre, une impression de simplicité grandiose. Dès le lendemain, je me mets à la recherche de l'officier d'administration auquel m'a adressé son collègue de la place de Paris. Je ne tarde pas à le rencontrer, et de suite, avec une obligeance dont je ne saurais trop le remercier, il me facilite la présentation aux officiers anglais. Nos alliés sont les gens les plus aimables du monde, malgré leur abord flegmatique. Un lieutenant se met à mon entière disposition pour me piloter et me conduire au quartier général, du côté de Lens, où l'armée britannique continue son offensive avec l'armée. « Peut-être, me dit-il, avant d'aller au front, vous serait-il agréable de vous rendre compte de ce que nous faisons à l'arrière? Cela vous intéresserait-il de visiter un de nos hôpitaux ?»« J'accepte d'autant plus volontiers, lui répondis-je, que j'ai appris que vous aviez en ce moment pas mal de blessés allemands. »« C'est exact. Nous avons toujours beaucoup de blessés allemands venant des Flandres. Nous leur donnons les premiers soins ici, avant de les embarquer à destination de Folkestone. Demain, si vous voulez, nous en accompagnerons un jusque-là, le temps de traverser le détroit et de revenir. » Cette proposition ne peut que m'enchanter, et je l'accepte immédiatement.